Ok, Kidding, Fizzy, ça fait. Comme d'hab, je débarque avec aucune ambition. Le micro et mon psy, ils ne posent pas de questions. Je suis à la bourre depuis que j'ai 20 ans. J'ai pris le temps de vivre en espérant revoir un printemps. J'ai pas de thème précis, j'avance dans l'indécis. J'espère juste voir mon futur qui se dessine. M'en sortir une fois arrivé au bout de la ligne. Je n'étais pas dedans, mais depuis le temps, j'attends qu'on me fasse un signe. Je parle de tout et de rien, même si ça allait bien. Quand je croise mes rebeux, ils me disent tout, ça va bien. Ma plume fait de la muscu, j'ai pas trouvé de gun. Par pitié, ne me faites pas passer sur fun. Quand je pose mon flow, le mic devient dur. Érection musicale, le plaisir à l'état pur. Comme tout MC, mon cahier a des ratures. Essayez ici de vous emmener à l'aventure. Je vais pas te faire de dessin, le peuple a faim. Mais cette fois-ci, il ne se contentera pas que du pain. Ils font les sourds et n'entendent rien. À mon tour de faire en sorte que le peuple se mette bien. Garantie, demande si le peuple a faim, ils lèveront tous les mains. Organise un référendum, passe pour un vrai bonhomme. Oyez, oyez, ne croyez pas qu'ils s'en mettent plein les poches. Réfléchissez un instant, c'est dans les notes qu'ils piochent. J'suis loin, mais d'ici, je vois tes couilles, sponsor par un homme. Pour un flambé, ça la fout mal et pendant que sans raison. J'rappe pour qu'un jour, enfin, mon blase détonne. Mes textes détonnent, quand les paroles sonnent, j'ai ton attention à la bonne. Appelle-moi Superman, j'ai baisé cette chaîne de Lois Lane. Peter Parker, les boules, j'ai aussi baisé Mary Jane. Trop de vulgarité dans mes textes, ce n'est pas un prétexte pour que je retourne ma veste, commence à me fuir comme la peste. This is mon flow, mon vice, caché j'avoue, plein les oreilles, je m'en fous, car le but c'est de pousser. Alors je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, j'ai mis les rap enceintes.